Selon Yonhap News de Corée du Sud, le comité préparatoire commun pour la 15e cérémonie à la mémoire des feux Sinhyosun et Simmison de Corée du Sud a tenu le 8 juin une conférence de presse à Séoul pour exiger la continuation de l'éclaircissement du dessous de l'atrocité des troupiers américains qui ont écrasé ces deux filles avec leurs blindés.